guys. Today, we are going to worry about learning how to ask questions. And in order to ask questions, we are going to learn four new words. Well, not quite new, because you know them already. Où, meaning where. Let's ask a few questions with où. Où habitez-vous? J'habite à la maison. Où étudiez-vous? J'étudie à El Camino College. Où parlez-vous français? Je parle français dans la classe. How about comment? Comment you also know meaning how. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Madame Berman. Comment fais-tu la cuisine? Je fais bien la cuisine. Comment fais-tu la vaisselle? Je fais mal la vaisselle. You might also want to ask questions with quand. Quand means when. Quand fais-tu tes devoirs? Je fais mes devoirs le soir. Quand est-ce que tu regardes la télévision? Je regarde la télévision le soir. Quand est-ce que tu écoutes la radio? J'écoute la radio le matin. Quand means when. And the last one for this little segment, so you can ask very specific questions. Pourquoi? Pourquoi étudiez-vous le français? Anytime you ask a question with pourquoi, you should be ready to answer with parce que. Pourquoi étudiez-vous le français? Parce que j'adore le français. Pourquoi regardez-vous la télévision? Parce que j'aime bien les films. Pourquoi travaillez-vous? Parce que j'ai besoin de manger. Now let's see if I can mix them up a little bit so you're ready to answer. Are you good to go? Okay, let's try it. Où habitez-vous? J'habite à Los Angeles. Quand est-ce que vous étudiez? J'étudie le soir. En général, où est-ce que vous étudiez? À la maison? À la bibliothèque? J'étudie à la maison. Quelle sorte de musique aimez-vous? J'adore le rock. J'adore la musique classique. Je déteste le rap. Avec qui travaillez-vous? Je travaille avec mon meilleur ami. Comment est ton meilleur ami? Mon meilleur ami est formidable. Comment sont tes parents? Mes parents sont sympathiques. Qu'est-ce que tu étudies ce semestre? J'étudie le français. Pourquoi est-ce que tu étudies le français? J'étudie le français parce que je voudrais parler français. And with that, it's a wrap.